merci d'organiser un séminaire qui affronte l'actualité et qui s'efforce d'articuler réflexion militante et prestation de chercheurs en sciences sociales. Pourquoi un droit politique au salaire ? Parce qu'il y a déjà là, qui en fait un projet réaliste, ce sera mon premier point, et puis parce qu'il y a un projet patronal d'infra-emploi, dont le droit politique au salaire, auquel le droit politique au salaire est une réponse pertinente. Ce sera mon second point. Est entendu par contrepoint que la réponse à l'infra-emploi, c'est pas l'emploi. Le droit politique au salaire, ça signifie que notre reconnaissance comme travailleur, la validation sociale de notre activité comme travail, notre passage de la valeur d'usage à la valeur économique, cette validation sociale n'est pas soumise à l'aléa des institutions de cette validation actuellement dans le capitalisme, à savoir le marché du travail, institution proprement capitaliste, qui va valider comme travail notre activité, qui va nous reconnaître comme producteurs, plutôt d'ailleurs notre emploi que nous-mêmes, une reconnaissance tout à fait indirecte. Et l'aléa du marché des produits, qui est aussi un lieu de validation du travail pour les travailleurs indépendants, et un lieu de plus en plus investi par le capital, surtout dans sa fraction rentière, celle qui ne souhaite pas assumer une fonction d'employeur. Et un droit politique au salaire, c'est précisément la reconnaissance que nous sommes producteurs, que notre activité, c'est du travail, libéré de l'aléa du marché du travail et du marché des produits par l'attribution d'une qualification personnelle. Le déjà-là de ce droit politique est considérable. Les fonctionnaires relèvent d'un salaire à vie. Ils ne sont qualifiés, ils ne sont reconnus comme producteurs ni par le passage par le marché du travail, ni par le passage par le marché des produits, mais par une qualification personnelle, un grade, vu l'origine militaire de la chose, un grade qui affecte le salaire à leur personne et qui se poursuit jusqu'à leur mort dans une pension qui est la poursuite du traitement. 5 millions de personnes, donc, sur les 6 millions d'agents des services publics, hein, auxquels il faut ajouter également une partie des retraités. La pension de retraite a été construite de façon très conflictuelle, mais en partie comme un droit au salaire continué, avec un salaire de référence, un taux de remplacement du salaire de référence, un âge politique pour toucher ce salaire indépendamment de toute présence sur un marché du travail ou sur un marché des produits. Et là encore, sur les 15 millions de retraités, il y en a la moitié, on va dire, qui ont une pension qui relève du salaire continué. On est donc, vous voyez, à une douzaine de millions de personnes qui sont en salaire comme attribut de la personne, qui sont libérées de l'aléa du marché du travail ou du marché des produits pour être reconnues comme producteurs. Évidemment, ces figures les plus fortes ne sont pas les seules. Dans les entreprises capitalistes elles-mêmes, le combat syndical a construit des droits à la carrière dans ce qu'on appelle des marchés internes qui font que le salaire ne peut que progresser. Alors certes, ça n'est pas la personne qui est le support du salaire, c'est son poste, mais les acquis syndicaux sont tels que au-delà de la qualification du poste inscrite dans la convention collective, la personne, y compris si elle reste sur ce poste, va faire carrière. Et si elle change d'entreprise, elle ne va pas baisser en qualification de son poste. Beaucoup disent que les marchés internes sont finis. Je me suis fait, pour l'avoir un peu dit encore la semaine dernière dans une formation à l'initiative des métallos de la CGT, je me suis fait vertement reprendre. La pratique des marchés internes n'est pas du tout finie, et y compris dans une logique de branche comme la métallurgie. Certes, ce droit au salaire et à la carrière salariale attaché à la personne, et non pas aux aléas du marché du travail ou du marché des produits, est suspendu à l'existence du poste. Et donc, on n'est pas dans la figure de la fonction publique ou du retraité, bien sûr. Mais il y a des marchés internes qui ne sont pas finis, contrairement à ce que l'on nous raconte, et une capacité syndicale à les faire vivre aujourd'hui encore. Il y a des formes de chômage dont Mathieu nous parlera après, qui là aussi relèvent d'une forme d'attachement du salaire à la personne, même si les règles restrictives de cette affaire n'ôtent pas tout aléa, comme nous le verrons dans l'intervention de Mathieu Grégoire. Bon, j'en reste là avec cette petite liste hein, pour bien insister sur le fait qu'il y a déjà là du salaire libéré des institutions capitalistes de la validation sociale du travail, qu'il s'agisse du marché du travail, institution proprement capitaliste, ou du marché du produit, institution non capitaliste en soi, mais largement récupéré et envahi par le capital. Insister sur ce déjà-là, c'est prendre parti hein, dans une science sociale qui, en gros, nous dit qu'il n'y a pas de déjà-là. Une science sociale qui est une science on va dire oublieuse de ou inattentive à ce que la classe ouvrière a pu construire comme classe. Une science sociale qui, globalement, nous dit qu'il y a une seule classe, la bourgeoisie, que ne s'est pas constituée face à la bourgeoisie, n'a pas commencé à se constituer face à la bourgeoisie une classe révolutionnaire en mesure d'instituer durablement une pratique anticapitaliste du travail, une autre forme de validation sociale de l'activité comme travail que sa validation capitaliste. Alors on concédera, hein, la science sociale concédera au peuple, aux travailleurs, à des collectifs, une capacité de dissidence, une capacité de révolte, une capacité d'acquis ponctuel, mais niera qu'il y ait une classe comme sujet politique macroéconomique révolutionnaire. Je crois que poser un déjà-là révolutionnaire et donc proposer non pas l'abolition du salariat, qui n'est jamais que si elle est répétée un siècle et demi après Marx, qui avait ses raisons de le proposer, repose sur la même négation de toute capacité de la classe ouvrière de subvertir cette institution centrale du capital qu'est le salaire pour en faire autre chose. Non pas le prix de la force de travail, par quoi s'exprime tout le mépris anthropologique de la bourgeoisie. Le prix de la force de travail, c'est la somme de nos besoins. Nous sommes des mineurs, définis par nos besoins, qui avons droit du pouvoir d'achat. La classe dirigeante est prête à nous filer du pouvoir d'achat, comme à des chiens. Ce n'est pas son problème, cette affaire. Son problème, ce n'est pas les sous, c'est le pouvoir. Et donc, penser que la classe ouvrière n'a pas été capable de construire, contre ce mépris anthropologique, contre ce salaire pris de la force de travail, un tout autre salaire, c'est participer à la doxa de la science sociale qui veut qu'il n'y ait pas de classe révolutionnaire. Le demain, si demain, bien sûr. Le demain de la science sociale, c'est le ciel des religions traditionnelles. Réalisme, donc, d'une proposition de généralisation. Sur le détail des propositions de généralisation, je vous renvoie à des travaux que j'ai pu faire ou dans Réseau Salariat peut également être l'intellectuel collectif. Mais je voudrais insister maintenant sur la pertinence de ce projet de droit politique au salaire face au projet que le MEDEF et la CFDT construisent avec assiduité depuis que la CFDT a succédé à FO comme partenaire du patronat en 1992. C'est un projet d'infra-emploi qui trouve maintenant sa forme relativement aboutie. Je fais allusion par exemple au rapport Thulin sur les trajectoires dans l'économie du numérique. Et que la loi travail exprime pour la partie qui la concerne, le droit du travail, mais elle n'est jamais qu'une pierre dans un édifice construit avec beaucoup de détermination par la classe dirigeante contre le droit politique au salaire. Mais également contre l'emploi. Et c'est là que je ne vais pas hurler avec les loups du « Ah ben l'emploi, vive le travail !» Je l'ai dit d'entrée, la réponse à l'infra-emploi, ça n'est pas l'emploi, certainement pas. Mais pour bien qualifier l'infra-emploi, il faut mesurer la conquête que représente l'emploi dans l'action syndicale. L'emploi, c'est un vocabulaire syndical dans les années 50-60. Les patrons parlent de poste de travail toujours. Le mot emploi, c'est un mot syndicaliste et qui accompagne l'enrichissement du poste de travail de trois sortes de droits. D'une part, le salaire à la qualification contre le salaire pris de la force de travail qui nous reconnaît comme des êtres de besoin à qui on distribue du pouvoir d'achat. Le salaire à la qualification, c'est la reconnaissance que nous sommes des producteurs et que c'est à titre de notre contribution à la production et non pas de nos besoins que nous avons droit au salaire. Il y a là une subversion du salaire capitaliste tout à fait considérable, même si elle n'est pas achevée, puisque c'est le poste qui est qualifié et non pas la personne. La convention collective qualifie le poste et pas la personne. Étant entendu, et j'y ai insisté parce que je n'y insistais pas assez ces derniers temps, étant entendu que les marchés internes n'ont pas disparu et que la capacité de s'appuyer sur la qualification du poste pour qualifier les personnes est incontestable. Deuxième dimension qui vient enrichir le poste de travail pour le transformer en emploi, la cotisation au régime général. Je ne parle pas de la cotisation à ces régimes capitalistes d'origine patronale que sont les régimes complémentaires de santé ou de vieillesse, bien sûr. Je parle du régime général qui est un régime anticapitaliste construit contre la sécurité sociale. 45, c'est évidemment pas la naissance de la sécurité sociale. Tout existe en 45, absolument tout. 45, c'est la construction contre la sécurité sociale existante du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire d'une caisse à gestion ouvrière, caisse unique à taux unique de cotisation, qui va permettre, en socialisant d'entrée de jeu et en la confiant la gestion à des élus qui élisent les directions de caisse, une partie importante de la valeur, de produire de la santé, par exemple, sur des bases anticapitalistes avec des gens qui ont un salaire à vie, qu'ils soient libéraux ou indépendants, ou salariés, les fonctionnaires ou les libéraux. Les libéraux de santé, c'est une invention extrêmement subtile de travailleurs indépendants payés par du salaire socialisé et du coup échappant à la logique du capital, ce qui n'est le cas pratiquement d'aucun travailleur indépendant, sauf ceux qui sont protégés par les lois que la loi Macron et autres sont en train de supprimer. Produire de la santé sans employeur, donc sans marché du travail, sans actionnaire, sans prêteur, puisque l'investissement considérable des années 60 va être financé par une hausse du taux de cotisation, c'est-à-dire par une appropriation collective de la valeur qui permet à la caisse de subventionner l'investissement et non pas de prêter. Il y a là des innovations donc majeures, qui n'ont jamais été acceptées par le patronat. Il est prêt, encore une fois, son problème, ce n'est pas l'argent, c'est le pouvoir. Donc il est prêt, évidemment, à dépenser plus dans des régimes complémentaires que par une addition, par une hausse du taux de cotisation. Ce n'est pas ça la question au régime général. Le régime général, c'est la hantise, c'est le refus absolu du patronat. Donc imposer qu'à chaque emploi soit lié des cotisations au régime général, c'est une victoire incontestable. Et puis, troisième dimension qui vient enrichir le poste de travail dans l'emploi, c'est le code du travail, qui, prenant acte de la subordination, assure des règles d'embauche, de licenciement, de santé, d'horaire, de représentation du personnel. Je n'insiste pas davantage. Le projet d'infra-emploi que le MEDEF et la CFDT, avec les partis de pouvoir qui alterne, met en place, c'est un projet de mise en cause radicale de l'emploi, dans ses trois dimensions. Mise en cause de la cotisation au régime général, c'est Rocard qui démarre avec la CSG. Le régime général est de plus en plus fiscalisé, de plus en plus dissocié du salaire. Mise en cause de alors la cotisation au régime général, bien sûr, les lois Aubry, les lois Fillon, les lois Hérault, enfin le CICE des Hérault et le pacte de compétitivité de Valls, tout ça, c'est ce qui supprime la cotisation patronale au régime général ou qui la rembourse, l'un ou l'autre, en la remplaçant par une dotation budgétaire. Mise en cause de la qualification, parce que la qualification c'est évident, multiplication des contrats de mission, multiplication du SMIC comme référence au salaire, 0,8 SMIC, 1,2 SMIC, mais plus de référence à la qualification. Et puis mise en cause du droit du travail, ça c'est l'objet de la mobilisation actuelle, mais c'est une dérive commencée avec les lois Auroux, puisque c'est elle qui inaugure l'inversion de la hiérarchie des normes. La mise en cause de l'emploi, telle qu'elle a été construite, telle qu'il a été construit contre le patronat, n'est pas une simple destruction. Ce serait Ce serait tout à fait catastrophique de se battre contre la loi El Khomri comme loi destructrice, parce qu'il y a un projet alternatif, bien sûr. Ce projet alternatif, qui aujourd'hui, encore une fois, s'énonce maintenant dans les rapports officiels de façon relativement homogène, est le suivant. D'une part, une mise en cause du salaire à la qualification, du CDI, au bénéfice du contrat de mission, du contrat de projet, finalement du retour au salaire à la tâche, tel que la classe ouvrière avait été en mesure de le mettre en cause. Et puis, en surfant sur une aspiration politiquement extrêmement intéressante des jeunes les plus qualifiés à ne pas avoir d'employeur, une validation sociale qui s'opère non plus seulement sur le marché du travail, mais sur le marché des produits, avec une incitation. Alors, il y a le statut d'auto-entrepreneur, mais vous avez bien d'autres situations de prestations de services. Une incitation à chercher la validation de son travail sur le marché du produit. Un tel appauvrissement du marché du travail, dès lors que les dimensions constitutives de l'emploi sont mises en cause, crée une insécurité considérable, une insécurité que va redoubler l'alternance entre des contrats de mission et des passages par le marché du produit. Le marché du produit, il est absolument insécure. Et donc le projet de la classe dirigeante n'est pas du tout de construire la sécurité, c'est politiquement absurde, mais c'est de substituer à un emploi qui a commencé à initier un droit politique au salaire, de lui substituer un triptyque revenu de base. Encore une fois, la classe dirigeante nous méprise assez pour nous filer du pouvoir d'achat, c'est comme ça qu'elle nous définit, et c'est contre le revenu que la classe ouvrière s'est construite, précisément contre le salaire revenu pour le salaire qualification. Revenu de base, revenu contributif, et là vous voyez pointer, pour ceux qui connaissent, le Singsang Ars Industrialis et la référence frauduleuse de Sigler au régime des intermittents du spectacle, et le CPA que construit la CFDT et le MEDEF depuis 1992 à travers des comptes personnels que le gouvernement actuel veut rendre fongibles. Il veut rendre fongibles les droits. Examinons brièvement ces trois dimensions qui font l'objet, dans la bataille actuelle, de confusions encore considérables. Et c'est pour cela que se battre contre la loi El Khomri comme destructrice est une faute stratégique. Nous n'avons pas en face de nous une classe dirigeante idiote qui détruit. Nous avons en face de nous une classe dirigeante qui construit des droits alternatifs aux droits politiques au salaire, et qui sont des droits capitalistes. Le droit au revenu est un droit capitaliste. J'ai dit pourquoi. La classe capitaliste se pose comme ayant le monopole de la valeur, de sa définition, de sa pratique, de sa production, et nous pose donc dans l'ordre de la valeur comme des êtres de besoin dont il faut sécuriser le pouvoir d'achat. Le revenu contributif, j'en dis quelques mots, parce que Stigler fait beaucoup d'illusions, y compris à la gauche de gauche. Le revenu contributif, ça part d'une analyse un peu olé-olé du numérique comme relevant d'une dynamique cognitive dans laquelle les temps proprement contributifs sont extrêmement rares. On passe sa vie, la productivité ne relève plus d'une présence régulière sur un poste de travail. On passe l'essentiel de son temps à divaguer, à faire autre chose, etc. Et puis tout d'un coup, pouf, on a l'étincelle de la contribution qui va être validée sur le marché des produits ou sur le marché du travail. Sauf qu'il faut bien que l'on vive entre deux étincelles. Et donc, le revenu contributif, ce serait un droit au revenu fondé sur une mutualisation de la valeur, dans l'UNEDIC par exemple, au prorata de la performance sur le marché des produits ou sur le marché du travail. Nous sommes là en logique capitaliste, bien sûr, où il s'agit d'étaler des ressources. Alors, c'est un droit limité dans le temps. Stigler reprend les 10 mois d'avant l'accord, l'accord désavoué par la CFDT, le MEDEF, l'accord récent, qui revient aux 12 mois, signé par la Fédération CFDT, mais désavoué par la Confédération CFDT, me souffle mon voisin qui connaît bien le sujet pour en être l'expert. Le revenu contributif, c'est un revenu qui nous réassigne à la performance sur le marché des biens ou sur le marché du travail, des marchés sur lesquels nous n'avons aucune prise. Nous sommes là dans l'envers de toute la construction du déjà-là du droit politique au salaire. Et puis le CPA a exactement la même logique que le revenu contributif de Stigler. Le CPA a un ancêtre ancien qui est l'AGIRC-ARCO. Je rappelle que l'AGIRC a été imposé par la SFIO, le MRP et le patronat en mars 1947. Un ministre du Travail communiste, Ambroise Croizat, mais qui était politiquement mort. La fenêtre de tir des ministres communistes dans les gouvernements de la Libération, c'est novembre 1945, novembre 1946. En novembre 1946, Léon Blum les élimine du gouvernement. Ils reviendront pour une partie d'entre eux, pas Marcel Paul par exemple, mais Croizat par exemple reviendra en janvier, mais politiquement mort. C'est donc contre le ministre créateur du régime général de sécurité sociale que l'ARCO est né et que l'AGIRC est né et l'ARCO c'est une invention de force ouvrière et du patronat à partir des accords emblématiques Renault entre autres de 56 contre la CGT qui revendique tout petit peu technique, mais enfin, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent quand même ces dispositifs, qui revendiquent le déplafonnement du régime général. Contre cela, force ouvrière et le patronat vont mettre en place un régime complémentaire obligatoire de retraite qui est paritaire et qui est par compte, qui est par point. Ce n'est pas le remplacement du meilleur salaire, comme dans la revendication et la pratique partielle du régime général, c'est au prorata de la performance sur le marché du travail, consigné dans des points. Chacun de nos emplois donne lieu à des points que le droit à retraite se construit. L'ARCO nous réassigne au marché du travail pour être reconnu comme producteur. Et sur ce modèle de l'AGIRC-ARCO, construit contre la CGT dans les années 40-50, et contre le régime général, et contre toute idée de déplafonnement du régime général, donc toute idée de salaire à vie pour les retraités, sur ce modèle, la CFDT et le MEDEF vont construire depuis 92 des comptes individuels, eux aussi au prorata de la performance de la personne sur le marché du travail. Des comptes jours, des comptes formation, des comptes pénibilité. Enfin, chaque année est l'occasion d'un compte nouveau. Et c'est pas du tout fantaisie ou innovation comme cela. Nous avons là un projet extrêmement mûri d'antidote au droit politique de salaire, de réassignation du travailleur au marché du travail. Et la loi El Khomri propose, enfin, le gouvernement actuel s'est donné comme mission de visibiliser cette institution des comptes dans un compte unique, le CPA, pour en faire clairement l'antidote du régime général, rendre fongibles les droits, c'est-à-dire pouvoir utiliser pour de la formation des droits à retraite, pour ceci, cela, pour de la formation des droits de pénibilité, etc., etc. Et, ça c'est la loi El Khomri, l'étendre aux travailleurs indépendants. Nous avons donc un projet de trajectoire, le rapport Thiolin du CNN est tout à fait explicite cette question, de trajectoire où alterneront des contrats de mission et des périodes de présence sur le marché des produits, et où en plus de la sécurité qu'offrira un revenu de base, les travailleurs se construiront des droits sur des comptes à la mesure de leur performance sur ces deux marchés. La généralisation du salaire comme droit politique est la seule réponse pertinente à ce projet. Non pas le retour à l'emploi, qui est une illusion dans un capitalisme mondialisé qui est capable de produire de la valeur ailleurs. Et qui est entrepris. La généralisation du salaire à vie, je vous renvoie à mes bouquins, hein, c'est-à-dire attribuer à 18 ans le premier niveau de qualification à tout le monde comme droit politique, le droit de propriété d'usage de l'outil de travail et le droit de délibération des caisses d'investissement, de salaire, des jurys de qualification, etc. Je vous renvoie à Émanciper le travail en particulier, où j'expose tout ça de long en large. Cette généralisation est une réponse qui à la fois assume la légitime aspiration de la partie la plus qualifiée de la jeunesse à ne pas avoir d'employeur. C'est un phénomène sociologiquement nouveau. Ceux qui se passaient d'employeur et qui cherchaient sur le marché des produits la validation de leur activité, c'était en général ceux qui étaient en échec scolaire ou qui, du fait de leur immigration et autres, n'étaient pas en mesure de faire valoir leur activité sur le marché du travail. Aujourd'hui, nous sommes devant des catégories tout autres qui ne veulent pas d'employeurs. Et le salaire à vie, évidemment, répond à cette aspiration. Réponse pertinente, réponse réaliste. Ce n'est évidemment pas le retour à l'emploi qui est la réponse à l'infra-emploi, mais peut-être, j'ai passé mon temps de parole, j'arrête donc, peut-être le débat permettra-t-il de revenir sur ce point conclusif. Merci. Alors, nous pouvons prendre quelques questions sur cette première intervention. Non, je vous montre du doigt. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant dans l'exposé de Bernard Friot de souligner que le capitalisme a toujours été très malin pour capter et retourner à son profit les grandes transformations de l'imaginaire ou du désir d'émancipation. En 68, ont émergé beaucoup de désirs d'émancipation, et puis l'ouvrage bien connu j'ai oublié les deux noms, très connu sur la façon dont le capitalisme a su capter et retourner ses désirs d'émancipation en disant « Ah, vous voulez être autonome dans votre travail, eh bien oui, on va vous permettre, c'est à vous de devenir performant, le chômeur, eh ben, Il a la place dans la société que mérite sa performance de chômeur, si c'est bien cherché de l'emploi. Et les jeunes, c'est vrai, veulent sortir de l'assujettissement terrible pour eux maintenant, du travail, où le patron, la propriété privée, déjà, il pouvait faire pas mal ce qu'il voulait, il y avait encore le code du travail, mais même pour des jeunes très qualifiés, ça devenait intolérable. Et donc, c'est très bien de nous indiquer comment, face à... Alors, il y a les jeunes qui... Je parle des plus qualifiés. À Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas beaucoup de jeunes de banlieue. J'y suis allée souvent. Dans les ESAD, ailleurs, il n'y en a pas beaucoup non plus. Les jeunes de banlieue, abandonnés à leur sort depuis très longtemps, stigmatisés, bon, qui n'avaient plus que le dit pour s'en sortir, maintenant, bien sûr qu'ils veulent partir, et c'est l'exit, et donc, sous toutes ses formes. Ils savent très bien qu'ils n'ont plus de place actuellement dans cette société, on ne leur en a pas fait et on ne leur en fait pas pour le moment. Par contre, les jeunes blancs de classe moyenne et supérieure diplômés, bien sûr qu'ils n'ont pas envie de se soumettre à un patron et donc ils ont la stratégie d'exit dans les ESAD, voilà, c'est ça. Ils arrivent à échapper au système d'une certaine façon en en prenant plein la gueule. Rémi est mort à 6-20, mais enfin, bon, ils essaient de s'en sortir comme ça et il y a ceux qui rêvent encore. Et le capitalisme leur répond par ses projets, ah ben oui, ma performance, je vais quand même arriver à la vendre. Donc c'est très malin, hein. C'est très bien de souligner. C'est une sacrée belle récupération de l'imaginaire collectif des jeunes aujourd'hui, quoi. Des jeunes les plus qualifiés, effectivement. Puis ce que je voulais dire, moi, qui ai été parmi les fondateurs, ou en tout cas les premiers membres de Agir Ensemble contre le chômage et du mouvement des chômeurs en 1994, les gens pleurent de voir mes anciens copains se battre pour un revenu de base, pour un revenu universel de merde, pour 5 euros. Et je dis pas se battre pour ça, mais j'en pleure, j'en rage. Autant les intermittents du spectacle qui, ne l'oublions pas, depuis 2003, se battent pour l'ensemble des précaires avec une intelligence collective, un savoir sur les transformations justement du travail et comment le patronat et les gouvernements successifs y répondent. Ils ont tout compris. Mais mes pauvres amis du mouvement des chômeurs, mon Dieu, qui se battent pour un revenu universel à 200-300 balles. Bon, enfin bref, j'arrête. Serait-il à 800 balles que ça ne changerait rien à l'affaire? Absolument. C'est parce que 200-300 balles, tu disqualifies un peu ton argument. C'est plutôt pour 800 balles qu'ils se battent. C'est très triste. D'autres prises de parole? En fait, c'est juste que je ne comprends pas très bien, parce que je me dis que dans l'histoire, on est payé pour ce qu'on fait, en fait, moi, dans mon esprit. Et là, vous dites qu'on n'est pas payé pour ce qu'on fait, mais pour notre qualification. Et donc, ça voudrait dire que quelqu'un qui a une certaine qualification pourrait être payé sans rien faire, sans utiliser le fait qu'il ait cette qualification, et donc sans rien faire. Enfin, est-ce que vous le feriez, vous? Est-ce que vous le feriez, vous, ne pas utiliser votre qualification? Je sais pas, parce que, en fait, ce que je ferais, moi, je sais pas si ce que je ferais, ça serait forcément ce qui serait utile pour la société, en fait. Je sais pas dans quelle mesure je ferais quelque chose. Par exemple, je pourrais avoir telle qualification et me dire, voilà, cette qualification, j'ai pas vraiment forcément envie d'utiliser. Je préfère, par exemple, chercher à avoir une qualification, ou je préfère faire autre chose qui m'intéresse plus. Voilà, si c'est moi qui décide, est-ce que je vais vraiment finalement décider quelque chose qui va être utile à la société ou pas? Je sais pas, enfin... Si vous voulez, le salaire à vie, c'est pas une société sans obligation ni sanction. Ce qui n'aurait aucun sens. Parce que la qualification dont vous êtes porteur, il ne faut pas confondre avec le diplôme, hein, c'est l'expérience professionnelle, c'est tout un tas d'éléments qui ne relèvent pas forcément ni d'abord du diplôme. Ça, c'est la certification scolaire. L'exercice de la qualification dans un travail concret, je pense que tout le monde y aspire. Penser qu'il y aurait une espèce de fuite généralisée dans des hamacs, c'est une projection aberrante. Maintenant, l'objection qui est-ce que les trajectoires individuelles rencontreront les besoins collectifs, est une objection tout à fait légitime, celle-là. Et les réponses sont également assez simples. Doté de votre salaire à vie, encore faut-il que, si vous voulez, je ne sais pas quoi, créer votre activité, vous ayez des partenaires, vous ayez un financeur, que vous n'aurez pas si votre projet n'est pas retenu, si vous n'avez pas de partenaire avec qui travailler. Si c'est dans une entreprise que vous voulez exercer votre qualification, encore faudra-t-il que vous soyez embauché. Et embauché avec un contrat qui ne définira pas le salaire, puisque le salaire est un attribut d'autres personnes, mais qui définira peut-être des horaires, des tâches, je ne sais pas, et qui, s'il n'est pas honoré, pourra se traduire par un licenciement. Le salaire à vie, ce n'est pas l'absence de sanctions, c'est l'absence de double peine. Celui qui, ayant monté une pizzeria, fait pas l'affaire et doit fermer sa boîte, c'est déjà un échec professionnel tout à fait considérable. Si en plus il doit rembourser des emprunts, il va être dans une situation où le rebond devient impossible. Celui qui pas fait l'affaire dans une entreprise, c'est déjà un échec professionnel considérable. Si en plus il perd sa dignité parce que la qualification n'est pas attachée à sa personne, alors là, il entre dans une forme de nuit dont il ne sortira pas forcément. Et donc, le salaire à vie, c'est la condition, au contraire, pour qu'il y ait une mobilisation réelle des personnes. C'est aussi la condition, ça vous ne l'avez pas objecté, mais je me fais l'objection à moi-même, c'est la condition pour qu'il y ait évaluation. Nous avons absolument besoin, et les entreprises ont besoin, qu'il y ait une évaluation permanente du travail concret, indépendamment de l'évaluation marchande ou de l'évaluation administrative, par les travailleurs eux-mêmes. Ça n'est possible que si ce sont des travailleurs dotés d'un salaire à vie, si l'évaluation n'a pas d'impact sur leur statut de producteur. Sinon, ils trichent. Et ça donne Das Auto. Dès lors que l'évaluation du travail concret a un impact sur le statut du travailleur, alors c'est la tricherie généralisée. Et le capitalisme, c'est la tricherie généralisée dans les entreprises. Donc, la nécessaire évaluation du travail concret suppose une distance suffisante entre le statut du producteur et l'évaluation de ce qu'il fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun impact de l'évaluation sur le statut, hein, puisque tout le monde à 18 ans a le premier niveau de qualification comme droit de citoyenneté qui vient enrichir la citoyenneté de la reconnaissance que non seulement nous sommes capables de participer à la délibération de la chose publique, mais nous sommes aussi capables de produire de la valeur et de participer à la délibération sur sa production. Donc ça, le salaire comme droit politique, irrévocable, inconditionnel, est absolument indispensable. Mais la progression salariale a supposé, dans mes bouquins, je parle d'une progression de 1 à 4, parce que je reprends la proposition de CGT, la CGT de 4 niveaux de qualification, et donc un salaire qui irait, par exemple, tout ça c'est pour faire réfléchir, simplement, de 1500 euros pour tous à 18 ans à 6000 euros comme salaire maximum. Les épreuves de qualification seront des épreuves d'évaluation du travail, mais pas en live, et pas par ceux avec qui on travaille, parce que là c'est la source de toutes les copinages et de toute la médiocrité possible, de tous les abus de pouvoir. Non, une évaluation qui porte sur les 5 ou 10 ans de l'activité précédente, qui connecte bien la reconnaissance que nous sommes producteurs de l'évaluation de notre travail concret, qui connecte bien la valeur économique à la valeur d'usage, mais qui le fait a posteriori dans des conditions de régulation qui ne relèvent pas de l'immédiate évaluation du travail qui, elle, doit être nécessaire et deuxièmement déconnectée du statut du producteur. Parmi les fonctionnaires, il y en a quand même un certain nombre, dont moi je faisais partie par exemple, qui ont acquis un diplôme et ne font pas ce qu'on leur demande de faire en échange de l'argent qui leur est donné. Et très nombreux à être des mauvais profs avec la conscience d'en être. On n'est pas dans la catégorie dont vous parlez, finalement, les fonctionnaires. Ah mais, attendez, moi je ne crois pas au peuple vertueux. Je ne pense pas qu'il y ait plus de mauvais profs que de mauvais cadres hein, d'entreprises privées. Je pense que la proportion doit être à peu près la même. Hein. La question est, est-ce que, précisément, à partir du moment où le salaire à vie est généralisé, est-ce que nous n'allons pas davantage pratiquer l'évaluation au quotidien par les intéressés eux-mêmes de leur activité, y compris dans les services publics? Ah oui, si, bien sûr, évidemment. Et comment est-ce comment fonctionne le système de pouvoir dans le système de salaire à vie? Qui est-ce qui gère le système? Est-ce qu'il s'agit d'une étatisation ou de l'ensemble des revenus? Ou est-ce que c'est plutôt des conseils élus? Qui gère exactement? Et, enfin, où est le pouvoir dans le nouveau système? D'abord, il y a du pouvoir, hein, c'est important. C'est pas une société de l'activité, parce que vous avez aujourd'hui des rêves qui sont récurrents hein, dans le capitalisme, d'une société sans économie, sans travail, sans valeur, sans monnaie, qui sont des rêves extrêmement mortifères, parce qu'ils nient que l'activité de production est affaire de pouvoir. Les institutions du pouvoir, moi je ne peux parler que des institutions économiques, je ne peux pas parler des institutions politiques, et il en faut. Hein. On ne va pas confier l'avenir du nucléaire aux salariés du nucléaire, pas plus qu'on ne confie à l'armée aux militaires. D'accord. Donc, il faut bien sûr des institutions politiques qui excèdent les institutions économiques et qui puissent leur imposer des décisions que des travailleurs en tant que tels ne prendraient pas, mais qu'ils peuvent prendre comme citoyens en revanche. Surtout si leur salaire étant déconnecté de leur emploi, toutes les conversions professionnelles deviennent possibles. Aujourd'hui, les conversions sont extrêmement difficiles parce que si le salaire est connecté à l'emploi, évidemment, il y a une résistance au changement de la finalité de l'emploi. La citoyenneté à 18 ans, qu'il faut vraiment urgemment enrichir, nous sommes en pleine déshérence politique aujourd'hui, pleine déshérence démocratique, cette citoyenneté, ce n'est pas simplement un droit au salaire et une carrière salariale, hein, au salaire à vie, une carrière salariale, c'est aussi un droit à la propriété d'usage des entreprises. Donc tout salarié est copropriétaire d'usage de l'outil de travail, d'usage, ils n'en tirent aucun revenu, hein, mais ils participent aux décisions. Alors, est-ce que les salariés seuls décident? Si c'est une boulangerie, ça me paraît assez évident. Mais si c'est la SNCF, non. Parce que là, on a des considérations de DRJ, d'aménagement du territoire, qui supposent qu'il n'y ait pas que les travailleurs dans l'entreprise qui décident, qu'ils soient les copropriétaires d'usage. Donc il faut d'autres, des parties prenantes, des élus, des usagers, par exemple. Et puis donc, la coordination de l'activité se fait encore par le marché, hein, bien sûr, et je dirais même plus qu'aujourd'hui, hein, parce que le capitalisme est largement destructeur de la logique marchande, au contraire. Hein. Et donc, dès lors que l'on ne produit plus de marchandises capitalistes, c'est-à-dire dans l'indifférence à la valeur d'usage, avec le but d'augmenter la centralisation du capital, à partir de ce moment-là, le marché sera mieux qu'aujourd'hui encore, hein, un allocateur de la production. mais pas seul, et pas dans certains domaines qu'il faut rendre gratuits. Le logement, par exemple, les transports de proximité, les premières consommations d'eau, énergie, il faut éteindre l'aspect de la gratuité, mais le marché est un allocateur plus performant que la planification pour l'allocation des ressources, dès lors que la production de marchandises n'est plus la production de marchandises capitalistes. Hein. Là encore, il faut lire tout le déjà-là, hein, arrêter d'annoncer hein, une lecture de Marx dans laquelle on identifie marchandises et marchandises capitalistes, valeur et valeur d'échange, alors que Marx penche par trois. Hein, il pense valeur d'usage, valeur, valeur d'échange, il pense pas par deux. Hein. Et il laisse assez ouverte hein, d'autres pratiques de la valeur que la valeur d'échange, hein, contre la critique de la valeur, contre Jacques, contre tous ces gens-là qui font une lecture de Marx totalement, apparemment radicale, mais en réalité d'une sottise totale. La régulation s'opère aussi, et le pouvoir, donc, dans les lieux de collecte de la cotisation. La valeur économique est socialisée dans des caisses de salaire qui collectent une partie de la valeur, dans des caisses d'investissement qui collectent une partie de la valeur, et là encore, ces caisses relèvent de logiques de pouvoir qu'il faut savoir gérer. Et là, moi, je ne suis pas assez compétent pour pouvoir dire si c'est la part du tirage au sort, la part des élections, la part du mandat impératif, enfin ça, je demander ça à d'autres qu'à moi, qui suis un économiste, hein, je ne peux pas répondre à ces questions, mais elles se posent, elles sont réelles, et vous avez raison de les souligner. De même, la composition des jurys de qualification, de même le fonctionnement des caisses de salaire. Et puis, il faut aussi compter sur le conflit hein, entre les caisses de salaire et les jurys de qualification, entre les entreprises et les caisses d'investissement, vous allez avoir des conflits permanents. Et ce conflit est entre institutions aux intérêts divergents est le gage d'une bonne coordination. Merci. En fait, souvent quand on parle entre militants de vos travaux, Bernard, ils sont perçus comme extrêmement intéressants, et en même temps il y a des résistances, il y a des doutes, parce que comme c'est votre analyse, votre proposition porte sur le travail, la façon de produire, la façon de bon, et beaucoup de militants se disent, mais comme c'est déconnecté, c'est pas de votre faute, vous analysez un pan de la question. Mais comme c'est déconnecté de, justement, la question du pouvoir dans les institutions qui sont censées nous représenter, ça paraît difficile à arracher, le salaire à vie. Parce qu'on voit bien que la prochaine étape, quand on aura fait passer la loi travail, ça sera de s'attaquer au statut des fonctionnaires pour ce qu'il en reste, sachant que dès aujourd'hui, n'importe quel fonctionnaire peut être viré très facilement. Non, mais il faut arrêter les prophéties autoréalisatrices. Non, pardon. D'accord. Non. La prochaine étape, ce sera notre capacité à doubler le régime général d'une caisse d'investissement par subvention. Simplement, la crédulité parfois que je rencontre dans mes amis militants, c'est dû au fait qu'on n'a pas encore peut-être assez avancé sur l'autre volet de la question, qui est comment on se libère de la sujétion politique, c'est-à-dire de gens qui, qu'on élit, on paye un sénateur ou un député à 1 000 000 par an quand même, pas souvent à l'Assemblée, hein, on peut regarder Internet, ça se voit très facilement, dans n'importe quelle boîte, il se réveillait depuis longtemps. Un député, un sénateur, comme ce cher monsieur Retailleau, qui dit que les gens qui glandent Place à la République, ils n'ont rien à foutre. J'ai regardé, il ne va jamais au Sénat, mais il est payé 1 000 000 d'euros par an au Sénat, mais il est payé en même temps 1 000 000 d'euros comme président de la région Poitou-Charentes, où il se bat pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sachant que l'aéroport de Nantes est déjà moitié vide. Bon, donc, tant qu'on n'attaque pas en même temps la question de notre suggestion économique dans le travail, et notre suggestion, mais encore pire, je dirais, qu'on passe notre temps à voter pour des gens qu'on paye, sans aucun contrôle sur eux. Vous achetez une marchandise, elle est avariée. Vous avez le dol en droit du commerce. Vous pouvez attaquer la société. Il y a la répression des fraudes. Ça s'appelle une fraude sur marchandise. Mais là, vous n'avez même pas la fraude sur marchandise électorale. Sinon, M. Hollande sera en prison depuis longtemps. Donc, tant qu'on n'a pas ça, et tant qu'on reste dans un système où le pouvoir est soi-disant affecté à des soi-disant représentants, il y a une partie de la réponse qui n'est pas là, qui n'est pas prête. Et malheureusement, quand on dit à des gens comme vous et moi, qui n'en peuvent plus au travail, qui voient qu'ils ne peuvent plus vivre, etc., même en travaillant, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, au boulot, on les rend malades exprès par les évaluations en permanence, par toutes sortes de systèmes. Quand vous leur dites il faut sortir du système, et ben ils vous croient pas parce que ils pensent que on est dans des sociétés occidentales qui nous ont habitués à croire que nous avons besoin d'État, que nous avons besoin de gouvernement, que nous avons besoin d'obéir. Mais rappelez-vous qu'il y a des sociétés sans État. J'y reviendrai tout à l'heure. Je suis trop long. Donc, juste pour faire un parallèle avec le Brésil, hein, parce que avec ce coup d'État institutionnel qui se passe à ce moment, cette question de travail, elle est très au centre de tout, et du patronat. Vous avez parlé que le régime général s'est en refus du patronat. C'est très intéressant ça, parce que justement le patronat est très très imbriqué dans la procédure de destitution de la présidente, et la transformation du code de travail, donc la destruction de tout ce qui a été construit, pendant les dernières 50 années, c'est au cœur de ces processus. Donc justement, ce retour au salaire, à la tâche, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à mettre en place depuis des années, avec une conquête idéologique des classes moyennes supérieures, parce que, en fait, les entreprises, elles donnent aux salariés des assurances médicales. Donc on a un système très, très partagé au Brésil entre des santé publique et des santé privée, d'éducation publique et éducation privée. Et donc les entreprises, elles prennent la place de l'État en offrant les médecins, l'école, tout ça, pour justement, et c'est très, très dangereux ça, parce qu'après cette conquête, on sait bien ce qui va venir dans 10 ans, dans 15 ans, quand ils auront détruit le système de le régime général, en fait, d'économie, de santé, d'éducation, tout ça. Et je crois que, justement, il y a un manque de réponses. La gauche n'arrive pas à donner des réponses. En général, ce qu'on demande, c'est toujours plus de travail, plus de... Et la proposition que vous faites, c'est vraiment... Je crois que c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux pour une sortie possible, pour se contreposer à ces propositions du patronat. Bon, voilà, excusez-moi. Merci de votre appréciation positive. J'insisterai sur le fait que le capital ne cherche pas à prendre la place de l'État. Au contraire, il l'impose là où il n'était pas. Toute la réforme du régime général a consisté à l'étatiser. Le régime général, c'est pas du public, c'est du commun. Il est géré par les intéressés eux-mêmes pendant 15 ans. Les directeurs de caisse sont élus par des conseils d'administration qui ont le pouvoir étendu. Bon, De Gaulle met fin à tout cela, et Juppé va étatiser la chose avec les ARS. Mais ce qui est intéressant dans le salaire à vie, c'est qu'il met en place des institutions du commun. Je ne fais pas ça uniquement par... clin d'œil à mon voisin, d'autant que peut-être que c'est pas comme ça qu'il voit le commun. Pour l'avoir lu, je pense que c'est pas exactement comme cela, mais j'insiste sur le fait que la Sécu, c'est pas l'État. Au contraire, l'État arrive quand le capital l'impose contre une institution qui était gérée par les intéressés eux-mêmes, mais qui était macroéconomique. La capacité de gestion du macro est indispensable. On ne peut pas se contenter de commun qui soit l'addition de micro. Je crois qu'il faut aussi affronter la question du macro, et ça, c'est très difficile.